quand ils sont tout neufs, qu'ils sentent le blister du boîtier. Tous les jeux vidéo qu'on fait Nintendo sont sacrés, mais avec la Wii U, ces petits voyous, c'est gogo. Avec leurs gros engins, on crie les genoux pour les cons. Moi qui navigue entre les âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est geek, on est geek. Qu'on est 20 ans, qu'on soit leur père. Quand on est geek, on est geek. Entre ces gâteaux de café, qui fait la taille, ou les gâteaux. Quand on est geek, Express. RPL Radio est en DAB+, 24h sur 24. Résumer l'histoire de Kingdom Hearts en 10 minutes, c'est un défi. Et puisque je ne suis pas de taille, j'invite le créateur, le membre originaire et original, le concepteur, notre maître à tous de la communauté et du podcast Quand on est geek, à retrouver sur Podcast et Spotify, pour m'épauler. Bonjour Capoué ! Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait moi hier soir ? Capoué ? Capoué ? Eh ! C'est samedi matin, il est 9h, c'est bon, hein. Mais comment ça, il est samedi à 9h ? Enfin, nous sommes jeudi, il est midi, et nous sommes dans l'Imaginarium, bien sûr ! L'Ima quoi ? Peut-être... Ah, mais oui ! Mais oui, mais tout à fait, mais oui, bien sûr, il est exactement... Voilà, hein. 9h21. Midi. Oui, voilà. Hein, donc on y va, hein ? Voilà. Oui, alors, bonjour, Kawaii Matt, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle de par chez nous et que... Hein ? Voilà. Flûte. Kingdom Hearts. Ah oui, alors oui, quand même, Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts. C'est une saga culte. Comment résumer cette histoire en moins de 10 minutes ? C'est impossible en fait. C'est tellement complexe, tellement tordu que c'est impossible de tout vous faire rattraper pour être au top pour Kingdom Hearts 3 qui est sorti le 29 janvier. Mais bon, on se laisse pas démonter, on va essayer de tout vous expliquer le plus simplement possible. On va forcément oublier beaucoup de choses, donc on s'excuse par avance. Des détails pourront être zappés, mais c'est nécessaire. Alors, Kingdom Hearts, c'est un action RPG commencé en 2002 et édité par Tetsuya Nomura et Shinji Hashimoto, développé par Squaresoft, enfin Square Enix désormais. Il est le résultat de l'association des univers de Final Fantasy et des mondes de Disney. Dans ce premier opus, l'histoire raconte comment Sora, le héros principal, est séparé de ses amis Riku et Kairi, lorsque leur monde, appelé l'île du destin, se fait attaquer par les Sans-Cœurs, les créatures des ténèbres. C'est lors de cette attaque qu'une arme fait son apparition dans les mains de Sora, la Keyblade. Cette arme redoutable en forme de clé lui permet d'affronter les Sans-Cœurs. Lorsqu'il retrouve ses esprits, il se réveille en plein cœur de la ville de Traverse, où il rencontre Donald et Dingo qui deviendront ses compagnons de voyage. Ces deux personnages ont été chargés par le roi Mickey de retrouver le porteur de la Keyblade. Ils voyageront d'univers en univers, scellant les verrous des mondes pour empêcher les Sans-Cœurs d'envahir ces endroits. Ils rencontreront beaucoup de méchants tirés des univers de Disney, mais les plus terribles seront Pat Ibuller et la terrifiante Maléfique. Vous savez, c'est la sorcière là dans La Belle au Bois Dormant. Bon, à eux deux, ils contrôlent eux aussi des créatures des ténèbres dans le but de capturer les princesses de cœur, comme Jasmine, etc. Comme Alice, pardon, Jasmine, etc. etc. Ils utiliseront leur pouvoir pour ouvrir la porte de Kingdom Hearts, le royaume des cœurs, afin de gouverner les mondes. Dans leur périple, ils rencontreront un homme, appelé Ansem, qui en réalité contrôlait Maléfique pour arriver à ses fins. Par chance, le trio d'aventuriers arrive à vaincre cet homme et à sceller la porte avec l'aide du roi Mickey et de l'ami de Sora, Riku, qui eux restent de l'autre côté. Dans Kingdom Hearts Chain of Memories, les trois compères partent à la recherche de Riku et de Mickey. Ils arrivent à une forteresse nommée le Manoir Oblivion, où ils rencontrent les membres d'un mystérieux groupe appelé Organisation 13, qui est composé d'êtres inexistants appelés les Simili. Alors qu'ils sont dans le manoir, les souvenirs des trois héros sont manipulés par une jeune fille du nom de Naminé, qui est forcée de le faire par Marluxia, membre de l'organisation, ça fait déjà beaucoup de monde. Après avoir vaincu les membres de l'organisation qui contrôlait le manoir, Dingo, Donald et Sora sont plongés dans un profond sommeil d'un an par Naminé afin qu'ils retrouvent leurs souvenirs, même s'ils doivent perdre les souvenirs de leur expérience dans le manoir Oblivion. Concrètement, ce jeu, ce n'était qu'un rêve, quoi. Pendant ce temps, Riku apparaît dans le sous-sol du château et commence à voyager vers l'étage avec l'aide du roi Mickey. Riku se bat à la fois contre les membres de l'organisation et contre l'obscurité de son cœur, apprenant à accepter sa double nature entre la lumière et les ténèbres. S'alliant avec Deez, encore un autre personnage, Riku l'aide à garder Sora et Namine sains et saufs jusqu'à qu'un des deux se réveille. Cependant, dans Kingdom Hearts 358 divisé par 2 Days, un problème au cours de l'année de sommeil force Riku à capturer Roxas, le 13e membre de l'organisation et le simili de Sora, créé après la transformation de Sora en sans-cœur, l'obligeant à fusionner Roxas et Sora afin de permettre le réveil de Sora. T'as compris quelque chose ? Moi, mon. Ah, je te confirme, je te l'ai dit, hein, l'histoire de Kingdom Hearts est très compliquée. Et pourtant, c'est pas encore fini. Parce que là, en plus, on raconte l'histoire dans l'ordre logique des événements. Faut imaginer qu'il y a Kingdom Hearts 1, puis 2, puis Chain of Memory, etc., etc. Tout c'est très compliqué à gérer. Enfin bref, c'est pas grave. Un an plus tard, après Chain of Memories et 358 sur 2, donc Kingdom Hearts 2, le groupe de Sora se réveille et reprend la recherche de Riku et du roi Mickey en réapprenant l'existence des Simili et de l'organisation 13. Avec ce qu'ils avaient oublié, forcément. Et le sommeil d'un an, forcément, on oublie un peu pas mal de choses. Sora traverse à nouveau plusieurs mondes basés sur les univers Disney afin de résoudre les problèmes engendrés par les sans-cœurs et les simili. Ils finissent par retrouver le roi Mickey qui les informe que Ansem, le gars que Sora a battu dans le premier, était en réalité le sans-cœur d'un jeune homme nommé Xehanort. Un étudiant du véritable Ansem le Sage. Alors que Xemnas, le simili de Xehanort, est le chef de l'organisation 13. Le stratagème de l'organisation est aussi révélé. Il cherche le pouvoir de Kingdom Hearts. L'ensemble de tous les cœurs que Sora a sauvés en détruisant les 100 cœurs avec sa Keyblade pour regagner leur cœur perdu. Avec l'aide d'Axel, un autre membre rebelle de l'organisation qui était l'ami de Roxas, le simili de Sora, hein, si vous suivez toujours, les trois compagnons arrivent au siège de l'organisation 13 et font équipe avec leurs amis pour vaincre Xigbar, Luxor et Sykes, trois membres de l'organisation 13. Ansem le Sage utilise un dispositif qui dissipe une partie de la puissance de Kingdom Hearts, mais une surcharge du système engendre une autodestruction du dispositif, engloutissant Ansem le Sage. Au sommet de l'Illusio Citadelle, Sora et ses amis combattent Xemnas, qui utilise ce qui reste de Kingdom Hearts pour faire fonctionner ses multiples formes. Après que Sora et Riku ont détruit Xemnas, ils se retrouvent enfin, tous les deux, avec leurs amis chez eux. Peu de temps après leur retour, Sora, Riku et Kairi reçoivent un message de la part du roi Mickey qui détaille sa découverte, faite pendant les événements de Kingdom Hearts Coded, que Sora est destiné à sauver les trois détenteurs de la Keyblade, vedettes des événements de Kingdom Hearts Birth by Sleep, qui s'appellent Terra, Ventus et Aqua. Mickey découvre aussi que la destruction d'Ansem et de Xemnas a conduit à la reconstruction du maître Xehanort. Pour lutter contre la nouvelle menace causée par ce même monsieur, Sora et Riku passent un examen pour obtenir le symbole de maîtrise qui leur permettra de devenir eux-mêmes des maîtres de la Keyblade. Pendant le test qui se déroule dans Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance, Sora et Riku pénètrent dans le royaume du sommeil où ils apprennent le véritable but de Xehanort, créer 13 répliques de lui-même en plaçant un morceau de son propre cœur dans chaque hôte. Puis, en utilisant ses 13 sources de ténèbres, il créera la vraie X-Blade, une fois de plus en les opposant aux 7 guerriers de la lumière dans un ultime combat. À la fin de l'examen, seul Riku est déclaré maître de la Keyblade, pendant que Sora repart pour de nouvelles aventures afin de se perfectionner. Et nous arrivons enfin à Kingdom Hearts 3. Mais, on me fait signe à l'oreillette que nous n'avons plus le temps de vous raconter son histoire. Alors vous savez quoi ? Allez jouer au jeu. Alors, en vrai, on vous parle beaucoup des mondes Disney, mais il y en a beaucoup des mondes Disney. Si vous voulez vous amuser à vous balader dans les rues d'Agrabah, du monde d'Aladin, si vous voulez fouiller l'intestin de Monstro, la baleine qui avale Pinocchio, ou vous faire une petite balade avec l'ami Winnie l'ourson, ou même vous faire peur dans le monde de Jack, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous avez juste à profiter. Vraiment. Eh bien, merci mon capouet pour ton aide et puis bon appétit. Tu prévois quoi pour ton déjeuner ? Un grand bol de café, de gigot d'agneau, de gigot d'agneau. Tu manges du gigot dans un bol, toi? Ouais, c'est une tradition du Lot. Ah, ok. Eh ben écoute, merci mon capoué, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles chroniques, du coup. Bisous. Bisous.